On est là pour parler de ton activité. Est-ce que tu pourrais commencer par nous présenter ton parcours? Alors oui, je peux en quelques mots. Je suis mes études universitaires consistent en la biologie. J'ai étudié la biologie pendant 6 ans à Paris. Et puis ensuite, j'ai enseigné la biologie en lycée. Après quoi, j'ai décidé de cesser cette activité pour enseigner le yoga. Je suis professeure de yoga, Hatha yoga traditionnel. Après quoi, je me suis formée à la kinésiologie. J'avais envie de travailler dans le domaine de la santé. Et par la kinésiologie, donc, j'ai eu une approche de l'humain, de la santé, chose que je ne pouvais pas avoir dans le cadre éducatif. Dans le cadre éducatif, je me suis vite rendu compte que la pédagogie n'était pas suffisante pour faciliter l'apprentissage ou résoudre des difficultés d'apprentissage. Donc voilà, j'avais un appel pour la santé. J'ai, après le yoga, donc, étudié la kinésiologie, enseigné la kinésiologie. Après quoi, je me suis Alors, je me permets de arrêtée. t'interrompre. Est-ce que tu pourrais expliquer ce qu'est la kinésiologie? Alors, la kinésiologie est un ensemble de techniques héritées de la médecine chinoise, héritées de la médecine ayurvédique, pour avoir une approche du corps, de l'énergie et des émotions, et par un certain nombre de techniques, arriver à libérer des stress qui sont soit limitants dans la vie de la personne, soit ont un impact sur leur santé. Kiné vient du mot muscle, et l'outil de la kinésiologie est d'avoir un accès à l'individu par un test qui est un test musculaire. Et par un test musculaire, donc, on peut aller chercher des stress en temps présent, des stress mémorisés, des stress hérités, généalogiques, et en travaillant sur ces différents plans, donc, avoir la possibilité de libérer de façon globale une difficulté. En kinésiologie, on travaille également en utilisant des techniques d'équilibration des hémisphères pour libérer les émotions. Il y a des techniques qui sont héritées de la médecine chinoise pour travailler sur les méridiens et les points d'acupuncture, et des techniques qui sont héritées de la médecine ayurvédique pour travailler en énergétique sous une autre forme, par le biais des centres énergétiques que l'on appelle les chakras ou par le biais des enveloppes énergétiques qu'on appelle les auras. D'accord. Et donc tu disais, étape de ton parcours, la kinésiologie. Donc la kinésiologie m'a amenée donc à ouvrir un cabinet, à recevoir des gens en consultation et pendant quelques années enseigner à des gens qui se formaient à la kinésiologie. À l'école de kinésiologie, j'ai souhaité d'une part apporter une connaissance scientifique du fonctionnement de l'organisme en tant que physiologiste, parce que je me suis rendu compte qu'à l'école de kinésio, on formait des praticiens qui allaient rencontrer des gens venant les consulter pour des raisons de santé et qui n'avaient pas forcément la grille de lecture selon leur formation d'origine pour interpréter des problèmes de santé. Donc j'ai voulu amener une connaissance biologique qui me semblait fondamentale pour travailler dans le domaine de l'humain. Et par ailleurs, donc, on m'a demandé de proposer des modules. J'ai enseigné un module spécifique de spécialité qui s'appelle aura kinésiologie. Dans le mot aura kinésiologie, donc, il y a l'approche de travailler par les auras, donc de travailler sur les énergies périphériques. Et j'avais proposé un module qui s'appelait kinésiologie et intuition en fin de cursus, pour amener les futurs praticiens à s'affranchir de la technique acquise, bien qu'elle soit nécessaire au départ, pour petit à petit proposer, sentir une pratique qui soit plus adaptée à l'individu, qui soit donc unique et non reproductible. Et donc le propos, c'était d'amener déjà à l'ouverture de cette perspective d'une part, et de proposer un travail qui permette d'accéder au fait de sentir l'individu au point de pouvoir proposer un travail unique, personnalisé et non reproductible. Et donc, c'est ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui? En partie, ce qui m'a amené aussi à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est que au cours de ma pratique d'accompagnement en consultation. J'ai, au bout d'une bonne année, 2 ans, 3 ans, été amenée à m'affranchir effectivement des techniques que j'avais apprises, affiner ma perception de l'individu par ma résonance empathique et à décloisonner mon approche de la santé progressivement. Et ce qui m'a permis de décloisonner beaucoup plus fortement a été que mon parcours de vie m'a amenée à accompagner une de mes amies en fin de vie, en 2006. Et ensuite, une autre de mes amies est venue me consulter quelques mois plus tard pour un problème de santé pour lequel la médecine n'avait pas de réponse. Et au lieu de résoudre ça dans le cadre d'une consultation, en fait, nous avons très vite basculé dans un travail beaucoup plus long, qui s'est fait sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, et qui m'a amené très progressivement, sans que je ne l'ai anticipé, à optimiser mes capacités de ressenti par un travail intérieur, avec l'outil qui est le mien, qui est la méditation sur l'observation des sensations. Et à partir du moment où on est rentré dans ce travail de recherche qui était propre aux problèmes de santé de mon amie, j'ai basculé dans une phase de ma vie que j'appelle mon travail de recherche intérieure, qui a duré plusieurs années, et en raison duquel j'ai dû cesser mes activités professionnelles, consultation, enseignement, pendant, on va dire, 3 ans et demi. Et c'était une phase de ta vie où tu vivais en ermite, ou comment ça s'est passé? Ça s'est passé très naturellement et très progressivement. C'est-à-dire que nous avons quitté le cabinet pour venir travailler dans mon espace de vie, dans mon habitation. Et nous avons très vite cessé de raisonner en termes de consultations et de séances. Et mes perceptions m'ont amené à sortir de l'individu et du problème de santé de mon ami pour en arriver à des choses beaucoup plus globales. J'avais l'habitude de travailler sur des mémoires propres à la généalogie, propres au vécu de la personne, à son enfance, à sa vie intra-utérine. Et très vite, j'ai basculé dans d'autres types de mémoires, d'autres types d'influences que l'influence familiale ou généalogique, notamment l'influence collective. Et ensuite, nous avons été amenés à faire des expériences énergétiques qui finalement étaient propres à mon travail de recherche, c'est-à-dire d'être reliés au règne végétal, au règne minéral, au règne animal, ce qui voilà, est une perception de la santé presque écologique, d'être reliés au collectif, d'être reliés à l'histoire, d'être relié aux ondes de forme, faire des expériences très concrètes sur comment apparaît l'énergie dans l'espace en 3 dimensions, quelles sont ses conséquences, etc. Et donc ce travail de recherche est difficile à résumer en quelques lignes, m'a amené à des expériences parfois très éprouvantes, parfois toujours magnifiques, et sur plus de 3 ans en fait. D'accord. Donc, tu as évoqué les termes de collectif, d'énergie, donc ça, on va en reparler par la suite. Mais pour terminer sur ton parcours, ça t'amène à, grosso modo, aujourd'hui. Oui. Et comment tu définirais ton métier, qui est la question que j'aime bien te poser? Alors, aujourd'hui, au sortir de ce travail, donc en 2010, j'étais en difficulté parce que je ne me sentais plus de reprendre mon travail tel que je l'avais quitté. J'ai pu dire des phrases aux personnes qui m'étaient proches comme « je n'ai plus rien à dire »,« ah mais ça c'est pas possible, il va bien falloir que t'expliques aux gens ce que t'as vécu », tout ça. J'ai eu un passage, une transition où j'étais dans l'indéfini de ne pas savoir, puisque j'avais quand même besoin de reprendre un métier, une activité sociale et professionnelle. Et à un moment donné, ça m'est venu de proposer un travail qui est un travail de groupe, uniquement un travail de groupe, que j'ai appelé « cellule de vie », pour partager dans une dimension que j'appelle l'énergie de création, la possibilité de peut-être décloisonner certaines difficultés et avoir un vecteur de travail plus large, plus rapide, plus efficace que si je travaillais en individuel. Ce travail cellule de vie donc, a été proposé dans différents coins de France, à Mâcon, à Roanne, à Toulouse. J'ai fait ça pendant 2 ans. Et puis, progressivement, donc, ce travail sur l'énergie de création, on en reparlera plus tard, m'a amené ensuite à combiner les deux, c'est-à-dire à reprendre un travail en individuel en parallèle d'un travail en groupe. Mmh. Pour faire à la fois un travail sur la santé. Les gens viennent me voir parfois pour des problèmes de santé. Faire un travail d'évolution. Parfois, les gens viennent me voir parce qu'ils sont en besoin de changement, de transformation, avec des problèmes éthiques de choix, par exemple. Voilà, donc un travail sur l'évolution individuelle et collective. Mon impact à l'heure d'aujourd'hui, je pense, dépasse largement l'individu. D'accord. J'ai une question sur tes origines. Tu t'appelles Caroline Gupta. Oui. Tu as les origines indiennes. Est-ce que tu penses que ça t'a influencé dans ton parcours à certains moments ou est-ce que ça influence ton travail aujourd'hui, tes origines indiennes? Sur mon parcours, sans aucun doute. Dans mon histoire, je suis née d'un père indien et d'une mère française. Mais je n'ai pas pour autant les deux cultures. Je n'ai pas été éduquée ni en contact avec ma famille paternelle. De ce fait, ce qui était au départ un manque a motivé ma recherche au départ. Et donc, lorsque j'ai fini mes études universitaires, c'est assez naturellement que je suis allée, lorsque j'ai eu envie de découvrir l'énergie, faire un travail sur mon corps par l'énergie, avoir un début d'approche de la spiritualité, c'est assez naturellement que je suis allée à la recherche de mes origines indiennes. Je dis souvent que si j'avais eu un père chinois, j'aurais peut-être fait du tai chi et je me serais intéressée au Tao. Il se trouve que j'ai un géniteur indien et que dans ce manque, voilà, j'ai été amenée à passer par le yoga, par la méditation d'origine indienne et par cette approche de l'énergie. Donc, sans aucun doute, ça a eu une influence. Et pourquoi ce nom, la source aux étoiles? Nous l'avons choisi en fonction d'un certain nombre de paramètres, des paramètres qui sont liés à la qualité de l'environnement. Nous avons un très bel espace vert avec beaucoup de forces naturelles. Ce lieu nous offre un parc magnifique avec des arbres centenaires. Nous avons de l'eau de source qui coule en abondance toute l'année avec beaucoup de forces de présence juste attenantes à notre bâtisse. Cette maison qui est en pierre a de grande qualité en termes d'ancrage et d'enracinement, donc une grande force pour enraciner notre travail. Nous avions besoin, au moment où nous avons été nomades pendant un certain temps, pour que les stages que je propose puissent prendre résidence. Nous avons loué différents lieux dans différentes régions de France. Et à un moment donné, donc, être nomade est devenu trop fatigant. Et voilà, on avait décidé que dans notre évolution, avoir un lieu fondateur est devenu une nécessité. Celui-ci s'est présenté. Le facteur de notre choix a porté sur les qualités de l'environnement. Nous sommes au pied du Vercors avec la force minérale qui est là, présente. La source aux étoiles est aussi très facilement accessible, ce qui est aussi un facteur de choix. Donc nous ne sommes pas complètement reculés en pleine montagne, mais ça présente aussi la possibilité d'être aussi pas trop reculé des activités humaines et de permettre donc aux gens de venir fréquenter nos activités facilement. Et pourquoi tu l'as appelée la source aux étoiles? Alors, la source aux étoiles, ça m'est venu comme ça, il fallait trouver un nom. Donc, nous sommes une équipe de 5 personnes à faire fonctionner ce lieu. Mes collègues, j'en parlerai plus tard, donc nous menons ensemble un travail de recherche. Et donc, voilà, on s'est dit, il faut trouver un nom pour le lieu, on va réfléchir chacun dans son coin. Et en fait, le nom du lieu m'est venu tout seul. Je dis souvent que je ne suis pas aussi sûr d'avoir que nous ayons choisi le lieu que le lieu nous ait choisi lui-même, en ce sens que j'ai pas eu de grand ressenti quand nous l'avons visité la première fois sur place, mais quand nous sommes repartis, en fait très très vite, en fait c'est comme si le lieu m'avait rattrapé en disant oh, ce lieu il est super, il est pour vous, voilà. La source aux étoiles, d'une part c'est parce que nous avons une source, donc ça tombait sous le sens. Ça coule de source. Ça coule de source. Que aller à la source, c'est aller à l'essence de la vie. C'est un terme qu'on emploie souvent et qui est souvent employé pour les gens qui ont une recherche spirituelle. Retrouver sa source. Je pense que c'est une de mes motivations principales. J'ai toujours été intéressée par le vivant, toujours été émerveillée par comment ça fonctionne, comment ça marche un arbre, comment, la source de ça. Toujours aller plus loin dans l'expérience et la compréhension, évidemment, aussi de comment fonctionne le vivant. Et puis, la source aux étoiles, c'est parce que, quelque part, dans mon évolution personnelle, j'ai été amenée à contacter une dimension que j'appelle la dimension de l'être, que beaucoup de gens appellent la dimension de l'être, que je qualifie d'atmique. Il se trouve que pendant mes méditations, le terme atmique que je ne connaissais pas, atman et atmique, m'est venu spontanément, probablement en lien avec ma résonance indienne, puisque atma est un terme que l'on retrouve dans les écrits en sanskrit pour désigner le tout, l'essence, l'unité, peut-être l'origine du vivant, je ne sais pas. Et donc, l'atman, notre dimension atmique, c'est notre dimension d'être et c'est notre dimension solaire. Donc, le soleil est une étoile, nous sommes des étoiles quelque part, d'autres disent que nous sommes des poussières d'étoiles. Donc, que l'on s'intéresse sous une forme spirituelle ou sous une forme matière, aux molécules, aux atomes, la notion d'étoile est déjà là et elle est toujours là. Donc, révéler la dimension solaire de ce que nous sommes en allant à sa source, ça a donné la source aux étoiles. Tu as mentionné le fait que vous ayez plusieurs personnes à encadrer ce lieu. Est-ce que tu veux en dire un mot, peut-être ? Bien sûr, je serais ravie de parler de mes collègues et amis. Donc, nous sommes 5 à faire fonctionner ce lieu autour d'un travail de recherche dont je suis le moteur, mais pas simplement l'acteur. La présence d'autres personnes est absolument nécessaire pour enraciner ce travail dans le collectif. Et nous avons la chance d'être une équipe très complémentaire, avec des compétences complémentaires. Donc, une de nos collègues, donc Magali Raymond, était pilote de ligne et devenue professeure de mathématiques, intervient donc dans le domaine éducatif. Et on va dire que c'est la polarité de notre douée en technologie. C'est elle qui permet donc de faire un site internet. Elle a bien sûr beaucoup d'autres qualités. Nous avons une collègue qui est médecin homéopathe, Emmanuelle Meunier, qui apporte donc une connaissance médicale qui complète largement ma connaissance en biologie et en physiologie, parce que je n'ai pas eu d'études propre en pathologie. Donc, à nous deux, on a une approche de la santé plus globale. Je n'ai aucune connaissance en matière d'homéopathie, mais ensemble, nous essayons d'avoir une approche de l'homéopathie différente. Ça fait partie d'une polarité de notre travail de recherche. Il y a donc Magali Raymond et Emmanuel Meunier sont respectivement présidente et secrétaire de l'association qui fait fonctionner ce lieu. Et puis, il y a Florence Corcial, qui, elle, vient du milieu, elle est éducatrice, et elle a beaucoup travaillé dans le milieu du handicap. Donc, travailler en contact avec des êtres différents, qui fonctionnent différemment de nous, je pense que c'est très important. C'est une ouverture au vivant très importante. Et puis nous avons donc Véronique Piguet qui était responsable d'un jardin passerelle, qui a travaillé dans la toute petite enfance, qui maintenant travaille en lycée dans sa transition professionnelle. Mais voilà, donc ça nous permet d'avoir, donc c'est une équipe de femmes. Nous avons bien sûr dans l'association beaucoup de bénévoles qui nous donnent un coup de main et qui apportent comme toi donc, des idées, des compétences, des bonnes volontés et beaucoup de cœur. Ça c'est très précieux. Merci. Tu as parlé d'énergie tout à l'heure quand tu as évoqué ton parcours. C'est l'axe central de votre travail ici. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? C'est quoi exactement déjà scientifiquement l'énergie? Alors, c'est une question délicate en matière de science, puisque la médecine et la science occidentale quelque part nie les phénomènes énergétiques encore à l'heure d'aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas des médecines orientales comme la médecine chinoise ou la médecine ayurvédique qui sont basées dessus. Même l'homéopathie, on commence à en entendre parler maintenant beaucoup plus. Mais... Alors, je vais répondre en tant que biologiste, je ne suis pas physicienne. En tant que biologiste, la définition est très moléculaire, c'est-à-dire qu'on définit l'énergie, c'est-à-dire ce qui fait fonctionner les cellules, comme étant une molécule carburant des cellules. Cette molécule carburant des cellules, on l'appelle l'ATP, ATP, pour adénosine triphosphate. Et cette molécule qui est fabriquée par les cellules fabriquent leur carburant, par un métabolisme qui est le métabolisme de la respiration. Les cellules respirent et le métabolisme respiratoire amène les cellules à fabriquer une cellule carburant, l'adénosine triphosphate, qui est considérée comme la molécule énergétique et dont la dégradation biochimique libère, la réaction chimique libère de l'énergie qui sert d'autres réactions biochimiques qui font fonctionner notre métabolisme. Ça, c'est la définition scientifique telle qu'elle existe à l'heure d'aujourd'hui. Et on est capable, nous, de contrôler cette énergie-là ? Alors, ceci est une définition, puisque tu m'as parlé de science scientifique. Maintenant, dans mon travail, l'approche de l'énergie est très différente et elle rejoint des pratiques comme le yoga ou le tai chi ou des pratiques qu'on qualifie d'énergétiques, à savoir que l'énergie dans ces cultures est définie comme étant environnante. C'est une énergie qui anime le vivant. On l'appelle le prana dans la culture indienne. On l'appelle le ki ou le chi en Chine et au Japon. Et cette énergie environnementale, mais aussi qui fait fonctionner le vivant, est palpable en termes de rayonnement, en termes de densité, en termes de circulation. Et ces pratiques-là donc visent à optimiser les circulations à l'intérieur de soi, autour de soi, à des fins de santé. Et quel lien tu fais ou on fait entre justement ces énergies-là, les sensations physiques qu'on peut avoir, les émotions, donc peut-être un peu plus complexes, et puis la pensée, le mental? Je n'aurais pas de réponse absolue à cette question. Je dirais simplement que tout est énergie, que la matière est une forme d'énergie densifiée, que par conséquent nous pouvons approcher la matière vivante, puisque c'est mon propos, selon ces différents degrés de densification, et que donc il n'y a pas forcément de séparation entre le corps physique et le corps énergétique, c'est simplement des densités croissantes. Et que, outre les histoires de densité, il y a des fréquences, des spectres de fréquences qui correspondent plus à notre fonctionnement mental, notre énergie mentale, des spectres de fréquences qui correspondent plus à notre fonctionnement émotionnel, des spectres de fréquences qui correspondent plus à notre fonctionnement physique, et qu'il est possible, en affinant notre ressenti, d'avoir un contact non plus simplement avec les manifestations physiques, mais avec ce qui précède la manifestation physique de ces différentes rubriques de notre fonctionnement, en fait. Alors, tu évoques le fait d'affiner ce ressenti énergétique. Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert avec toi il y a un petit peu moins de 2 ans. Et quand je t'avais rencontré la première fois, tu me disais que, je crois te citer, que mon aura était assez tassée. Et tu avais du mal à contacter l'énergie chez moi. Et moi-même, j'avais beaucoup de mal à contacter ma propre énergie. Que ça s'est déployé avec le temps. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'en arrive à des phénomènes que tu connais bien, qui est que si je me retrouve devant un ordinateur trop d'heures de suite ou il y a trop de Wi-Fi, je finis par avoir mal à la tête. Je me sens beaucoup plus sensible. Et j'en viens presque paradoxalement à regretter l'époque un peu carapace où je ressentais moins de choses. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses de ce paradoxe-là ? Qu'est-ce que ça t'évoque ? Est-ce qu'il y a un danger à devenir un petit peu trop sensible, finalement ? Alors, pour en revenir donc au diagnostic un peu grossier auquel tu fais référence, effectivement, donc la première fois que tu es venu me consulter, non pas je n'avais pas accès à ton énergie, mais il y avait une forme de carapace, j'ai dû le verbaliser comme ça pour communiquer. Je dirais que les énergies, je vais peut-être compléter donc mon explication, les énergies étaient très figées. Les circulations d'énergie étaient très lentes. Et de ce fait, donc, ce n'est pas que je n'arrivais pas à ressentir, mais que les circulations étaient... Ça n'avait pas débloqué. Voilà. Il fallait le temps que ça se... Je dirais que la glace fonde, voilà, et que la circulation reprenne place, notamment au niveau éthérique, qui est, je dirais, la densité d'énergie la plus proche du corps physique, au niveau du fonctionnement des organes, tout ça. Voilà. Donc, pour moi, c'est déjà un signe de moins bonne santé. Ouais. Mais ce signe de moins bonne santé, comme tu le soulignes, du coup, est une forme de protection. Voilà, les énergies se figent, mais on ne sent plus, du coup, avec autant d'acuité, ce qui nous porte atteinte, autant qu'on sent moins ce qui nous fait du bien, d'ailleurs. Ouais. Les perceptions deviennent plus grossières en matière de nuisibilité comme en matière de bienfait, de mieux-être, de cohérence. Oui, tout est lissé, quoi. Voilà, tout est lissé, oui. Et qu'est-ce qui fait que toi, tu as cette qualité de ressenti plus que d'autres personnes, plus que moi, par exemple ? Je dirais que tout le monde a accès à un ressenti énergétique. Ceci est finalement très banal. Les animaux l'ont, c'est quelque chose d'omniprésent, simplement nous nous en sommes éloignés, plus ou moins selon les gens. Il suffit de faire cette expérience très simple, j'invite même les novices à faire cette expérience, simplement de rapprocher ses mains, comme ça, la paume de ses mains, et d'être attentif à ses sensations jusqu'à percevoir quelque part une densité de présence entre les deux mains. Presque même comme lorsqu'on approche deux aimants, on a une sensation à un moment donné, une force. Voilà. Et ça, c'est une densité, déjà un premier contact avec la densité énergétique. On peut également, une fois qu'on a ce ressenti, déplacer sa main, soit à proximité du corps de quelqu'un, soit de son propre corps, jusqu'à ressentir à un moment donné une densité, voilà, quelque chose là, qui est là. Voilà. Et ça, c'est une première approche. Après, tout le monde peut sentir. Après, un ressenti, c'est comme tout, ça s'affine, c'est comme tous les sens. Tous les sens peuvent s'affiner. Ils s'affinent par une pratique. En ce qui me concerne, je dirais que mon ressenti énergétique s'est affiné par la pratique de la méditation et d'une technique de méditation que l'on appelle vipassana, qui travaille sur l'observation des sensations à la surface du corps, à distance du corps et à l'intérieur du corps. Donc, ceci m'a amené à beaucoup affiné mon ressenti. Par ailleurs, je pourrais rajouter qu'effectivement, bien que ce ressenti soit commun, banal et naturel, je pense que nous n'avons pas tous forcément la même sensibilité. Mmh. Ça fait partie des différences entre les gens. Et pour illustrer ceci, souvent, je prends l'image des arbres. Si vous prenez un chêne, vous regardez les feuilles de chêne, et si on regarde par exemple un arbre comme le peuplier tremble, le peuplier tremble a des feuilles qui sont au bout d'un long pédoncule, comme ça, et quand il y a une brise, ces feuilles, comme son nom l'indique, elles font comme ça, voilà, elles tremblent, voilà, très très vite. Et si vous avez un chêne à côté, avec des feuilles de chêne, pour la même brise, le peuplier tremble va beaucoup agiter ses feuilles, d'où son nom, et le chêne, on va voir les feuilles faire juste comme ça. Donc, on va dire que, de nature, le peuplier tremble est infiniment plus... Il vibre plus au moindre souffle d'air, et le chêne, moins. En termes d'énergétique, c'est pareil, je dirais que je fais partie des sens des peupliers tremblent, c'est-à-dire que les moindres mouvements énergétiques, je les ressens peut-être plus fortement que d'autres personnes, mais je ne suis pas le seul peuplier tremble sur Terre. D'accord. On a vu énormément de, de différents thèmes de travail autour de l'énergie en atelier. Ici, je me souviens par exemple à la volée de l'énergie de la conception, donc des formes d'énergie complexes, que voilà, moi je ne suis pas capable de d'en avoir l'intuition comme ça. Est-ce qu'il y en a une infinité? Est-ce que tu continues à en découvrir au fur et à mesure de ton travail? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, mon travail de recherche, notre travail de recherche, consiste effectivement à entrer en contact avec différentes qualités d'énergie dont nous sommes le transformateur. Par exemple, l'énergie de vie reste l'énergie de vie. Vu que nous fonctionnons avec un système mental, un système émotionnel, un système physiologique, cette énergie se transforme par le fonctionnement de nos organes, par notre fonctionnement mental, par notre fonctionnement émotionnel. Et mon travail m'amène, notre travail nous amène à entrer en contact avec ces différentes qualités d'énergie et à voir comment elles se transforment en fonction de nos états, de nos activités, et comment également l'interaction énergétique a un impact dans la communication humaine, comment le fonctionnement collectif, c'est-à-dire en termes de culture, en termes de pays, en termes de vécu collectif, a un impact aussi sur l'écologie, parce que ça reste de l'énergie, sur le reste du fonctionnement vivant, le règne végétal, le règne animal, et comment il a aussi un impact sur l'individu en retour. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question. Ah oui, complètement. Juste avant, tu avais évoqué la méditation. Je vais en profiter pour lire un passage d'un de tes livres, Triptyque, que tu as écrit il y a quelques années. On va revenir à tes deux livres juste après. Mais je pense que ça peut être une bonne introduction au travail que tu fais autour de la méditation. Alors, je vais essayer d'y mettre le ton. Donc, tu as écrit... Méditer en observant les sensations avec équanimité mène à l'accueil total. Les amalgames créés par association mentale, leur réactivité en désir ou rejet se décristallisent lentement. L'équanimité fluidifie, la neutralité fige. Méditer n'est pas réfléchir. La réflexion, le jeu du miroir qui reconnaît, mais à l'envers. Le mental crée des miroirs à l'infini si on ne l'amène pas à terre. Les pensées troublent l'esprit comme l'argile une eau claire. Lorsque les particules se posent, la transparence revient. Alors arrête la tambouille mentale, écoute les sensations te dire combien tu es vivant, et tout se fait tout seul. Est-ce que tu peux peut-être élaborer un petit peu sur ce qui pour moi est un peu une définition des bienfaits de la méditation? Comment tu l'utilises par exemple en atelier? Comment j'utilise? Alors effectivement, la méditation reste une base fondamentale de mes propositions de travail, en stage, en atelier. Comment on l'utilise? Nous méditons ensemble. Nous méditons ensemble avec une technique qui est très basique. Observer les sensations liées à la respiration, les sensations du souffle, dans les narines, sur le pourtour des narines, éventuellement dans cette zone-là. Observer les sensations dans la paume des mains, observer les sensations, comment ça respire autour de moi, ça c'est une première chose. On va dire qu'avec ça, on a de quoi travailler une vie. À quoi ça sert? Méditer sert à porter son attention sur une seule chose. Dans la tradition indienne, on dit que notre système mental est comme un singe qui saute de branche en branche, d'idée en émotion, d'émotion en idée, et que c'est ce que j'appelle la tambouille mentale, visiblement dans cet écrit, c'est-à-dire que je représente toujours notre fonctionnement mental un peu comme une suspension d'argile, une suspension argileuse. Vous savez, si on mélange de la poudre d'argile dans un verre d'eau et qu'on touille, on va dire notre système mental et ce qui agite ces suspensions argileuses. Et donc, on a dans l'esprit un espèce de quelque chose de dense. Et que la méditation, c'est un peu comme emportant notre attention sur une seule chose, en cessant de laisser notre esprit aller de branche en branche, de pensée en émotion et d'émotion en pensée. En le posant sur une seule chose, notre esprit va petit à petit se calmer. Et en se calmant, ça fait un petit peu comme dans une suspension d'argile, c'est-à-dire que les particules vont petit à petit sédimenter au fond du verre et on va avoir donc une clarté qui apparaît, qui est l'eau. Et cette eau, en fait, c'est la base même de ce qui fait circuler les informations qui sont propres aux vivants, telles qu'elles nous parviennent. Je dis souvent que dans mon travail, j'ai été amenée à approcher l'eau, non plus sous sa forme physique et ses trois dimensions, liquide, gazeux, solide, mais l'eau comme un phénomène qui, de par mon approche, en tous les cas, je dirais, existe sous 12 formes différentes. Et pour moi, l'eau est un phénomène qui véhicule les informations du vivant. Donc lorsque la méditation nous amène à cette clarté, les informations du vivant, les informations de la source, de l'essence, de la dimension unitaire, nous parviennent avec plus de clarté. C'est donc la dimension de conscience. D'accord, c'est à ça que ça sert. Moi, tu m'as beaucoup recommandé de méditer dans le cadre d'interrogations que je peux avoir sur des choix de vie. Comment tu dirais justement qu'améliorer son ressenti permet de mieux choisir où on va ? Alors, nous avons une difficulté en français, c'est que le terme « méditer » est souvent employé pour désigner le fait de réfléchir longuement à un problème. Mmh. Alors, ceci est fort dommageable, car la méditation, telle que je viens de l'expliquer, est une pratique et une technique à part entière qui consiste justement à sortir du cercle de la pensée. Voilà. Alors, à propos de méditation toujours, moi, tu m'as conseillé à certains moments importants de ma vie où j'avais des choix à faire, de méditer. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur justement comment la méditation peut aider à affiner ses choix ? Alors, nous avons une difficulté en français, c'est que le terme « méditer » est souvent employé pour désigner le fait de penser longuement à un problème. Comme je viens de l'expliquer, méditer, c'est tout autre chose. C'est porter son attention sur une seule chose, ramener sans cesse le fonctionnement mental au fait d'observer une seule chose, ce qui amène à ne plus penser. Alors évidemment, il est légitime de se dire en quoi méditer peut m'amener à mieux penser, puisque méditer m'amène d'abord à ne plus penser. Alors, méditer permet d'amener cette clarté dont j'ai parlé précédemment, et cette clarté véhicule les informations de la conscience, du vivant, de l'essence de notre source, notre dimension unitaire, et du coup, nous sommes, lorsque nous méditons, plus réceptifs à ces informations. Ces informations ne sont pas des informations mentales, mais sont des impulsions qui nous sont perceptibles par le biais des sens. Et les sens, c'est très physique, en fait. Plus on affine notre perception physique, puisque c'est physique, la perception, plus on affine notre ressenti, plus on affine la possibilité d'être en lien avec les informations véhiculées de notre conscience. De ce fait, les choix ne sont plus tant des choix liés à une réflexion qui pèse le pour, le contre, qui va chercher une solution, mais le choix va être induit instinctivement par ce qui est plus cohérent à la vie, plus cohérent pour moi, mais donc de façon générale, pour tous, plus cohérent. Et c'est ça qui va me pousser à un choix plus qu'un autre. Est-ce que ça veut dire qu'au fond, si on s'écoute vraiment, on n'a pas le choix ? Il y a forcément un choix qui s'impose de lui-même. Alors effectivement, ceci amène effectivement au fait de sortir de la pensée que nous avons toujours une multitude de choix possibles. Je dirais qu'effectivement, dans la multitude de choix possibles, si l'on raisonne, lorsque nous entrons en résonance et non plus en raisonnement, la résonance la plus unitaire de vie s'impose de soi. Et donc, je dirais, il y en a une qui s'impose de soi. Qu'on n'est pas obligé de choisir, ça c'est notre libre arbitre. Ça c'est notre libre arbitre. D'accord. Mais donc toi, qui es un peu plus connecté avec ton ressenti que la moyenne, on va dire, ta vie, elle est presque toute tracée, si je caricature. Tu sais naturellement où aller parce que les choix s'imposent. Alors, dans le terme « ma vie est tracée », je ne dirais pas, puisque nous traçons notre vie sur un terrain vierge. Donc, ma vie n'est pas tracée, je la trace en fonction de mes choix. Simplement, je dirais que j'affine mes ressentis de telle façon à ce que mes choix soient de plus en plus en cohérence de vie, ce que j'appelle, c'est une de mes expressions, c'est-à-dire majoritairement induit par une dimension unitaire de vie, donc majoritairement induit par la conscience. Et est-ce que tu dirais, pour élargir encore sur le même sujet, qu'on a du coup tous un rôle à jouer, si on s'écoute un petit peu? Bien évidemment, nous avons tous un rôle à jouer. Nous sommes un collectif vivant en interaction. Et cette interaction, je dirais la qualité de l'interaction de l'humanité, dépend de la clarté de ces interactions et donc de la clarté de la connexion que nous avons par nous-mêmes, à nous-mêmes et à l'ensemble du vivant et de sa dimension unitaire. J'aimerais évoquer un épisode qui me rendait souvent jaloux. Tu as souvent conseillé à des patients ou à des stagiaires d'aller dans certains endroits parce que tu sentais soit qu'ils étaient connectés à ce lieu, si je ne me trompe pas, soit que se connecter à ce lieu à un moment de leur vie pourrait révéler quelque chose. Et puis moi, à chaque fois, j'étais en demande d'un lieu, puis tu me dis, bah non. Toi, quel type de lieu? Le Sénégal, par exemple. La Louisiane. Géographique. Géographique, pardon. D'accord. Excuse-moi, ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Comment est-ce que tu arrives à sentir que quelqu'un, dans son parcours de vie, a besoin de se connecter avec un endroit à l'autre bout du monde? À la réponse comment, je ne peux jamais répondre sous cette forme-là en tous les cas. Lorsqu'il s'agit de technique, on peut répondre comment. Lorsqu'il s'agit de ressenti, il n'y a pas de réponse au comment. C'est comme si, je disais, c'est comme si on posait la question comment tu arrives à faire la différence entre le parfum de la fraise et celui de la vanille. Il n'y a pas de réponse, c'est inné. Tu peux peut-être parler alors de l'impact que ça a pu avoir sur le parcours de ces personnes-là. Qu'est-ce que ça a pu révéler, débloquer, je ne sais pas si c'est les bons verbes. Alors, peut-être pour tenter de répondre à ta question, je dirais que effectivement, il m'est arrivé de dire à certaines personnes, de les orienter en tous les cas, je pense que ce serait utile que tu ailles dans telle partie du monde, parce que je sens que ça peut révéler quelque chose de précieux pour toi. Pour quelle raison, je n'en sais rien. Il y a plusieurs explications possibles. En termes de mémoire, on peut être en lien avec certaines cultures plus que d'autres. En termes de tellurique, je dirais que à la surface du globe, si certaines cultures se sont développées à différents endroits du globe et pas à d'autres, c'est aussi parce que la surface de la Terre n'est pas énergétiquement identique partout et que certaines qualités se manifestent, qualités énergétiques, telluriques, se manifestent à certains points du globe plutôt qu'à d'autres, et que le simple fait d'aller physiquement, au-delà de la dimension culturelle, bien que ce soit intrinsèquement lié, le fait d'aller physiquement à certains endroits du globe peut amener à révéler des choses en termes de sensations, pour le coup, par le biais des sensations, par le biais du contact physique. Et que, voilà, y a, en termes de chemin de vie, c'est vrai que nous avons fait l'expérience à quelques reprises que j'ai donné cette orientation, que la personne se soit dit a priori que ça ne lui parlait pas du tout et a posteriori que c'était visiblement un passage extrêmement important dans sa vie. Mais est-ce que je peux en dire plus à ce sujet? Je ne sais pas. Tu as évoqué donc une explication potentielle qui est tellurique, une première qui est de la mémoire. J'ai du mal à comprendre quel lien il peut y avoir entre une personne et un pays à l'autre bout du monde en termes de mémoire. C'est la mémoire de quoi? Alors, dans le langage On peut parler, on entend parler des mémoires familiales, des mémoires généalogiques, on entend parler des mémoires karmiques. Sur ce domaine, je suis, on va dire, assez terre à terre dans la dimension des mémoires, notamment sur le terme karmique. Je dis plutôt que sur le thème karmique, nous sommes, selon notre constitution, sensibles à des collectifs différents. J'entends par collectif des dimensions de l'histoire humaine différentes, soit en termes de période, soit en termes d'expression. Par exemple, en ce qui me concerne, je travaille dans le domaine du vivant, de la guérison, au sens large du terme, de la conscience. Je suis donc, par exemple, reliée au collectif des guérisseurs, au collectif chamanique, au collectif des sorcières, à mon grand regret, avec tout ce que ça a eu de dommageable sur ce collectif-là. Donc, c'est à la fois un collectif culturel. Le chamanisme a été développé dans différentes cultures. C'est à la fois un collectif historique. Tout le monde, un certain nombre de personnes, sait comment les personnes qui avaient des capacités de guérison, notamment féminines, ont été qualifiées de sorcières et ont eu des traitements absolument dramatiques. Donc, voilà. Donc, par exemple, en ce qui me concerne, je suis reliée à ces collectifs-là. D'accord. En termes de peur, en termes, mais aussi de potentialité. Ceci est mon exemple. Je préfère parler d'un exemple qui est le mien plutôt que de personnes qu'on ne connaît pas et qui ne sont pas là pour en témoigner. Si ça te va, on va parler de ton approche des pratiques artistiques par l'énergétique, encore une fois, comme fil conducteur de cet entretien, à commencer par la peinture. Il y a beaucoup de gens qui ont démarré la peinture ici. Moi, j'ai démarré la peinture avec toi. Tu fais souvent une opposition entre être créatif et être créateur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Alors, effectivement, dans les propositions de travail en groupe qui se font ici, qui sont pour moi un travail d'évolution, j'utilise autant de formes d'expression que je peux, empruntées donc aux dimensions artistiques, donc la peinture, le mouvement, la danse, la musique, mais aussi le verbe, les mouvements d'énergie, autant d'outils possibles pour diversifier les modes d'approche. Alors, en ce qui concerne la peinture, mon travail de recherche m'a amené à approcher la couleur par la vibration de la couleur. Et par exemple, au début où j'ai proposé cette approche-là, j'utilisais donc, et j'utilise toujours, le vert pour connecter au règne minéral. Alors, au règne végétal, pardon. Bon, comme tu le sais, je ne donne aucune explication, je fais juste des propositions. On va travailler sur telle couleur, on va utiliser le vert, le bleu, on va utiliser le rouge, le jaune, cette fois-ci, et puis voilà, on part. Donc, le vert en résonance avec le règne végétal, le rouge en résonance avec le règne animal, mais aussi toute notre dimension d'incarnation. Le rouge renvoie aux muscles, au sang, aux globules, les globules rouges, l'hémoglobine, la lignée, mais aussi la respiration. Donc l'impact est très large. Qu'est-ce qui fait, on va dire, ce spectre large dans l'utilisation des couleurs? C'est mon travail de recherche, en fait. C'est un vecteur, je ne l'explique pas. Il est simplement là quand on les utilise. Si je vais utiliser le jaune avec le rouge, le jaune est en résonance avec la fréquence de l'or, voilà, qui est une résonance minérale, et l'or dans le sang, c'est la fréquence de notre dimension de conscience dans le sang. Le bleu, dans mon travail, dès que j'utilise le bleu, va intrinsèquement mettre les gens en résonance avec l'eau, le phénomène de l'eau, et ses circulations. Donc, les déclinaisons sont infinies, en fait. Le propos, ce n'est pas de les définir, c'est de les vivre. Et je vais quand même me permettre de te poser la question de la connexion avec le noir, parce que tu me fais toujours travailler sur le rouge et le noir, alors que j'ai toujours envie de travailler sur le vert, et je ne comprends jamais pourquoi. Alors, pas toujours. Les quelques expériences de peinture que nous avons faites, elles ont été peu nombreuses, en fait. Je t'ai suggéré, donc, de travailler avec le rouge, le noir, et ensuite de mettre du blanc, ce qui introduisait le rouge, le rose. Mm-hmm. Voilà. Je ne donne jamais d'explication. Bon, puisque nous sommes en entretien et en interview, je vais te donner un petit bout de réponse, mais tu n'en auras pas plus. C'est tout simplement parce qu'il était absolument nécessaire d'aborder la dimension de création pour toi, dans un premier temps en t'affranchissant des connexions et des interactions avec ta lignée généalogique, familiale et généalogique. Mais ce qui est traduit par le rouge. Par le rouge. Ensuite, le noir. Voilà, c'est les deuils. D'accord. Mais aussi toute la densité. Toutes les couleurs sont dans le noir. Voilà. Mais ça, c'est une explication mentale et je n'aime pas donner trop d'explications mentales parce qu'elles sont extrêmement limitantes, extrêmement limitantes. Et le rose, c'était une façon de faire un lien et d'amener de la douceur, de contacter. Dans cette dimension qui est très incarnée, en fait, la douceur de ton féminin et de ton cœur d'homme, en fait, dans l'expression de l'émergence de ta dimension créatrice. Il y a une autre particularité du travail de peinture que tu nous fais faire, c'est que parfois, et encore une fois, je le dis avec mes mots, pour qu'on ressente mieux les choses, tu ne nous fais pas travailler avec notre main droite, par exemple. Tu me fais travailler parfois avec ma main gauche, avec mes pieds. Je crois comprendre pour démentaliser, parce que la main droite étant plutôt le prolongement du cerveau, pour démentaliser la création. Est-ce que tu peux en dire un peu plus peut-être là-dessus ? Alors, je vais revenir à ta question précédente parce que je me rends compte qu'il y a des choses que je n'ai pas clarifiées en termes de vocabulaire. C'est-à-dire que j'utilise les outils artistiques, donc créatifs. Mais mon propos n'est pas de faire de la créativité. Mon propos, c'est de permettre l'émergence de la création, donc de notre dimension unitaire, de notre essence de vie, de notre dimension d'être, dans le processus de la création. Je distingue donc le fait d'être créatif du fait d'être créateur. Être créatif, c'est pouvoir donner forme facilement à la matière. Certains ont cette potentialité développée plus que d'autres. Bien sûr, dans les ateliers, nous devenons de plus en plus créatifs, puisque on utilise des outils, on se familiarise avec, donc on devient plus créatif. Mais mon propos, c'est d'être de plus en plus créateur. C'est que la question qui se pose, c'est lorsque quelque chose s'exprime, c'est qu'est-ce qui s'exprime en fait ? Or, dans une expression artistique, qu'il s'agisse de peinture, de sculpture, de mouvement, de musique, de chant, il y a souvent un amalgame entre l'expression de soi et l'émergence du soi. L'expression de soi, c'est quelque chose qui touche à la personnalité, qui touche à l'ego. Et dans l'expression de soi, il y a tout un tas de choses qui se mélangent, c'est-à-dire le désir. Je désire exprimer ça. Mais je désire exprimer ça, c'est différent de ce que j'appelle l'envie. L'envie, pour moi, c'est ce qui nous porte en vie. Et ce qui nous porte en vie, c'est notre dimension d'être, en fait. Donc, tout mon propos, c'est dans l'accompagnement par l'approche énergétique des pratiques artistiques, ça va être de permettre cette émergence, c'est-à-dire d'une dimension unitaire. Et cette dimension unitaire, à partir du moment où elle peut émerger, où elle peut s'exprimer, elle peut être mise en œuvre. Mmh. Mise en œuvre, non pas pour faire un chef-d'œuvre, mais pour que la mise en œuvre soit le moteur de nos actions incarnées, de nos actions dans la vie, de nos choix, de notre coopération, de notre capacité à agir ensemble de façon constructive et cohérente au vivant. C'est ça le propos de mon travail. Donc, créatif, créateur, deux choses différentes. D'accord ? La créativité, la création, deux choses différentes. La création reliée à notre dimension d'être, reliée à la cohérence du vivant. C'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que avoir des idées, c'est bien, C'est nécessaire. Mais si l'on, je suis scientifique, fondamentalement scientifique, la science a créé énormément de choses. Dans ces choses, on peut remettre en question la cohérence de ce qui a été créé. Est-ce que c'est cohérent, donc est-ce que c'est bon pour le vivant, ou est-ce que c'est moins cohérent, et est-ce que, dans ces moins cohérents, est-ce que c'est nuisible pour le vivant? La question se pose pour tout un tas de choses. Je suis biologiste, à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes à l'époque des nanotechnologies, nous sommes à l'époque des manipulations génétiques, nous avons donc une intervention sur les gènes, sur le génome, c'est-à-dire l'ensemble de la génétique et de l'expression de certains règnes du vivant. Dans quelle mesure c'est cohérent? Dans quelle mesure on ne porte pas atteinte à cette dimension unitaire qui est si précieuse et qui nous permet de faire des choses? Nous avons par exemple, dans un domaine différent du mien, qui est la biologie, mais en physique, l'énergie atomique. C'est une idée absolument géniale d'avoir senti que l'énergie de la cohésion des atomes était probablement l'énergie la plus forte, et en même temps, porter atteinte à la cohésion des atomes pour récupérer cette énergie par un éclatement, dans quelle mesure c'est cohérent, et est-ce qu'il n'y a pas d'autres voies de recherche qui permettraient d'avoir accès à l'énergie de cette cohérence, qui est la plus forte du vivant, de façon cohérente. Voilà. Et qui ne nous mettent pas dans des difficultés que nous connaissons aujourd'hui, qui sont écologiques, qui ne sont pas rappelées, à savoir un risque nucléaire d'explosion qui serait un risque d'anéantissement total. Donc je pense très sincèrement, et c'est un de mes moteurs de recherche, d'action et d'interaction, qu'à notre époque, il est absolument nécessaire de décloisonner la science, l'art, la santé, la conscience, et que tout ça, en fait, fait partie d'une seule et même expression. Je dirais que c'est très important pour moi, dans les activités, d'amener notre interaction à décloisonner. Et pour en revenir à ta deuxième question, c'est-à-dire, à quoi ça sert de peindre de la main gauche, de peindre des deux mains, de peindre avec le pied? Pourquoi j'amène ça? C'est tout simplement parce que si on en reste à une approche de la peinture, avec un pinceau, avec un couteau, main droite en fait, je vais rester cloisonnée sur une interaction, une façon de me mobiliser, une façon d'entrer en dynamique. Lorsque je propose de passer de main droite à main gauche, éventuellement de faire avec les deux, éventuellement d'oublier les mains, de passer avec les pieds, c'est lorsque je me rends compte que on arrive à ce que j'appelle des dyslexies. C'est-à-dire que nous avons enregistré énormément de blocages par concentration de volonté pour obtenir, discipliner notre corps, et que cette discipline que nous avons imposée par volonté est un frein à l'émergence fluide d'une beauté qui est la beauté d'un mouvement, qui est la beauté d'un geste, qui est la beauté d'une trace de peinture sur la toile. Cette émergence est totalement naturelle. Qui n'a jamais été totalement en émoi en voyant une biche partir? Un bond. Dans un bond, tout est là, la grâce est là. Nous avons la même possibilité d'émergence dans un mouvement de la main, dans un mouvement du corps. Simplement, pour pouvoir retrouver cette émergence de cette beauté unitaire, il faut décloisonner tout ce qui nous a amené à cloisonner par volonté consciente. Donc mes propositions de changer de main, de passer par le pied, sont liées à ma perception qu'à un moment donné, la personne est dans un enfermement, une forme de dyslexie, aussi ce que j'appellerais une forme de asphyxie. J'en ai souvent parlé te concernant, une forme d'asphyxie par volonté, et qu'il faut créer une ouverture. Donc mes propositions sont des créations d'ouverture aérées pour que l'émergence se fasse. Voilà. Et donc justement, tu parlais de la grâce qui est résumée en un seul bond, par exemple, la grâce qui peut être retrouvée dans un mouvement de pinceau. Je t'ai souvent entendu dire que l'émergence artistique, elle était dans le processus, plus que dans le résultat. Et d'ailleurs, tout ce qu'on fait ici, tu nous le rappelles tout le temps, c'est jamais que des outils. Quand on est trop attaché aux toiles qu'on a pu peindre, on rappelle que c'est avant tout un outil et c'est le processus qui est le plus important. Comment ça peut se traduire dans le reste de l'art? Ça veut dire que qu'un concert ou qu'un enregistrement est plus créativement pur ou beau que le résultat qu'est l'album? Est-ce que c'est pareil pour la peinture qu'on peut voir dans les musées? Ce qui compte, c'est le processus qu'il peut y avoir derrière, plutôt que la toile elle-même? Alors, y a tellement de parties dans ta question que je vais prendre un fil. Vas-y. Voilà. Toute création est portée par une énergie. D'accord ? Je peux relater par exemple un de mes premiers contacts avec la dimension énergétique de la peinture lorsque j'étais vraiment jeune. Ma capacité de création artistique a démarré par la sculpture en fait. Et j'avais à l'époque un ami sculpteur qui m'a dit « j'aimerais avant de quitter Paris aller voir une exposition qui a lieu au Petit Palais ou au Grand Palais, je ne me souviens plus », qui était une exposition d'un peintre d'origine russe qui s'appelle Rodko, qui est un peintre contemporain, que certains connaissent probablement. Et il m'a dit « écoute, si tu veux, viens avec moi, je pense que ça va te plaire ». Je sortais de mes études de sciences, j'avais fait plein d'expériences, beaucoup de choses m'intéressaient, tout m'intéressait. Et je suis allée avec lui à cette exposition. Et au début de l'exposition, à ma stupéfaction, il me laisse là, en plan, et il me dit « bah écoute, je te laisse, je vais dans une autre salle voir ce qui m'intéresse ». Et donc j'ai été confrontée à la nouveauté. Et comme toute personne, la plupart des personnes qui vont dans des expositions, donc j'ai suivi le sens chronologique de cette exposition. En me mettant devant des tableaux, je n'avais aucune culture de la peinture, ou très peu. Un peu de culture de la peinture, mais très peu. Aucune pratique, surtout, de la peinture. Et il se trouve que l'exposition était conçue sous une forme chronologique et prenait certains tableaux de la vie de ce peintre. Et les salles donc suivaient des choix de certaines de ses créations dans une évolution chronologique. Au début, les peintures étaient un peu figuratives, plutôt figuratives, et au fur et à mesure évoluaient vers des tableaux de plus en plus abstraits, dont le contenu était des rectangles ou des carrés de couleurs. Pour certaines peintures monumentales, des grands rectangles de couleurs, 1, 2, 3 rectangles de couleurs, et dans cette nouveauté, j'étais face à cette nouveauté, je ne comprenais rien. Et évidemment, le premier réflexe mental a été de me dire enfin, il ne s'est quand même pas foulé. Il fait des rectangles de couleurs. Et mon deuxième réflexe mental a été, mû par ma curiosité, de me dire mais enfin, il y a des gens qui traversent la France pour venir voir cette exposition, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans ces carrés de couleurs, en fait? Il faut que je trouve, il faut que je... Et à défaut de trouver, que je contacte quelque chose. Et donc, je me suis très vite lassée de regarder le titre des tableaux, d'ailleurs maintenant dans l'exposition, je ne regarde même plus le titre, ça ne m'intéresse pas, ou a posteriori. Je me mettais devant les tableaux, j'y comprenais rien, donc il n'y avait rien à voir, il y avait que des carrés de couleurs, donc c'était vite vu. Et je me mettais là et je me disais, j'ai quelque chose à saisir. Et je ne saisissais rien de particulier consciemment, et je changeais de tableau, et je changeais de tableau, et je me suis dit, c'est ça mon expérience. Et au bout d'un certain temps, je me suis sentie très mal. Très mal, tellement mal que j'ai failli avoir un malaise. J'ai dû sortir de l'exposition, et quand mon ami m'a rejoint, il m'a dit, bah, dis donc, t'as pas l'air bien, tout ça. Voilà. Fin de l'anecdote. Explication de l'anecdote, 10 ans plus tard, ou une dizaine d'années plus tard, je fais mon travail de recherche intérieure et je reviens sur le souvenir et la mémoire et l'empreinte en termes de sensation, empreinte sensorielle, par la méditation de cette expérience. Et je me rends compte que, sans le savoir, je suis entrée, une fois que j'ai eu passé l'interprétation visuelle, je suis passée en résonance vibratoire, énergétique, empathique, avec non plus ce que je voyais, mais l'état dans lequel était le peintre lorsqu'il a peint ce tableau. L'exposition étant chronologique, les derniers tableaux étaient ses derniers tableaux avant la fin de sa vie. Et 10 ans ou une douzaine d'années après, je me suis intéressée à la biographie de ce peintre et j'ai appris que ce peintre avait mis fin à ses jours et s'était suicidé. J'en ai donc déduit, et très concrètement en recontactant mes sensations, que je suis entrée en résonance avec l'énergie dans laquelle était ce peintre dans sa peinture, et que, en partie, cette énergie était une énergie d'angoisse, ou en tous les cas, ce n'est pas à moi de dire ce qu'il vivait, je n'en sais rien, mais de détresse, peu importe les mots qu'on met dessus, mais en tous les cas, l'énergie qui l'a amené à mettre fin à ses jours, et j'ai été mal. Je raconte cette anecdote tout simplement parce que, pour illustrer le fait que toute création est sous-tendue par une énergie et toute création rayonne cette énergie. Et donc l'important, ce n'est pas ce qu'on voit, c'est l'énergie qui la sous-tend. L'important, ce n'est pas ce qu'on dit, c'est l'énergie qui la sous-tend. Je dis souvent que beaucoup de gens disent la même chose, mais l'énergie qui la sous-tend n'est pas la même. Si on fait un transposé matière, par exemple, prenons quelque chose de très concret, l'alimentation, une tomate, la technologie a développé des méthodes de culture modernes, par exemple les méthodes de culture hors sol, en partant du principe qu'un pied de tomate a besoin de tels minéraux, et on a fait une culture hors sol, où les racines des plants de tomates ne sont plus dans la terre, mais on lui apporte voilà, les minéraux dont elle a besoin, l'eau dont elle a besoin, et ça va faire une tomate. Et puis, on peut prendre celle qui sort du jardin de mon grand-père, une tomate qui est du grand-père d'à côté qui fait de la culture uniquement bio, qui va utiliser du compost et pas d'engrais industriels. Et puis, on peut prendre, je ne sais pas moi, quelqu'un qui s'intéresse à la biodynamie et ça nous fait, je ne sais plus combien de tomates, 4 tomates différentes. Voilà. Ces 4 tomates, elles peuvent être de très belles tomates. Elles peuvent être facilement vendables, elles peuvent avoir dans leur composition chimique exactement la même quantité de minéraux, la même quantité de tout ce que vous voulez, et il n'empêche que vibratoirement, elles n'auront pas la même qualité, en fait. Elles n'auront pas la même qualité gustative, d'ailleurs, ça c'est un fait. Selon notre sensibilité, on peut le ressentir ou non. Et vibratoirement, elles n'ont pas la même qualité, donc elles n'ont pas la même qualité de cohérence, car si effectivement on peut faire des méthodes de culture en sortant une plante de son élément naturel, en la mettant sous serre, en lui faisant quitter son enracinement fondamentalement essentiel qu'est la terre, on peut obtenir un fruit, mais on n'obtiendra jamais quelque chose d'aussi cohérent qu'en la laissant dans son milieu naturel et en lui apportant des choses de qualité. Voilà. Donc, tout ça pour dire que l'énergie qui la sous-tend n'est pas la même. Et pourtant, c'est une tomate que je peux très bien mettre dans mon assiette. Et on ne peut pas visuellement voir la différence. Voilà. Tu as parlé de la connexion vibratoire que tu as eue avec le peintre Rothko et à travers son histoire. Dans Triptyque, tu démarres sur la connexion que tu as pu avoir avec Chagall. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Un petit peu, c'est quelque chose de très intime. Qu'est-ce que je peux partager d'intéressant à ce sujet ? Ce qui est intéressant dans mon rapport à la peinture de Chagall, par exemple, c'est que je n'aime pas la peinture de Chagall. Ce n'est pas une peinture qui m'intéresse. Je n'aime pas ces personnages, je n'aime pas ces poules, je n'aime pas ces vaches, je n'aime pas... donc, le côté figuratif de la peinture de Chagall ne me plaît pas. Elle ne me séduit pas. En revanche, j'ai été totalement en résonance avec la peinture de Chagall, sous une forme vibratoire qui me dépasse complètement, en fait, et qui dépasse donc ce qui peut m'intéresser et ne pas m'intéresser. m'accrocher visuellement ou ne pas m'accrocher visuellement. Il y a infiniment d'autres peintures qui m'accrochent visuellement, mais je suis rentrée en résonance empathique d'être avec la peinture de Chagall par la couleur, en fait. Et l'infinie délicatesse dans l'expression de sa couleur. Et cette infinie délicatesse est visuelle, donc c'est par le regard, mais au-delà du regard, en fait, je suis rentrée dans la dimension solaire de l'expression de sa couleur, en fait. C'est donc une peinture qui ne me plaît pas, qui ne m'intéresse pas, et qui me touche au plus profondément de moi-même, et j'ai une connexion avec cette peinture qui me parle de moi. Donc ça, c'est intéressant, parce que je ne la mettrai pas dans mon salon. Malgré ça. Je mettrai autre chose. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui nous touche le plus profondément dans notre dimension d'être n'est pas forcément ce qui nous plaît. Et ça, je trouve ça intéressant, comme témoignage, et aussi pour illustrer comment j'accompagne les ateliers à la création, car on est très vite rattrapé, surtout quand on fait de la peinture, parce qu'on voit directement ce qu'on fait. Dans la danse, c'est plus difficile, parce que ça passe plus par le regard de l'autre. Mais on est beaucoup influencé par ce qui nous plaît, ou ce que l'on veut produire qui plaise. Donc ce n'est pas vraiment ce qui nous plaît. C'est ce qu'on projette. C'est ça. C'est-à-dire que dans l'expression artistique, il y a beaucoup de projections identitaires. L'émergence du soi, l'émergence de cette dimension unitaire de la conscience, elle s'en fout que ça plaise ou que ça plaise pas. Parce que la beauté n'a rien à voir avec le fait que ce soit agréable ou désagréable, en fait. La beauté, elle l'est. Et être et paraître sont deux choses différentes. Quand on produit quelque chose qui se voit, on est obligatoirement rattrapé par qu'est-ce qui paraît de ce que je fais. Et tout mon propos d'accompagnement, c'est d'arriver à ne pas être rattrapé majoritairement par ça, même si ça a toujours en partie une influence. Parce que l'émergence ne peut pas se faire si je suis occupée par des projections identitaires. Et ce qui me permet de faire un lien avec ce que j'appelle les foyers de création gémellaires, c'est-à-dire il y a notre foyer de création authentique, celui qui est l'émergence de la conscience, qui est directe, et puis c'est-à-dire que ma conscience ensemence, c'est la dimension père, ma conscience nourrit une autre dimension cohérente de moi, nourrit ma création et la fait naître. Mais nous avons des foyers, ce que j'appelle des foyers de création gémellaire, qui est je crée, non pas je crée en fonction de ce que je suis, ma dimension d'être, mais je crée en fonction de ce que je veux être, voudrais être, ou bien je crée en fonction de ce que l'on veut que je sois. Voilà. Nous sommes en permanence déséquilibrés dans notre processus créateur par je crée en fonction de ce que je veux ou voudrais être ou ce que j'ai voulu être et je crée en fonction de ce que l'on veut que je sois. Le propos de ce vecteur de travail, c'est de s'affranchir suffisamment pour que l'émergence de notre dimension de conscience, de notre dimension unitaire se fasse, pour une création plus cohérente à la vie. Donc, typiquement, quand moi j'ai envie de m'éclater sur du verre, potentiellement c'est que je suis en train de projeter quelque chose. Pas forcément. Alors, pour alors, ça peut être parce que le verre me paraît plus joli, ou parce que j'ai besoin de respirer et avoir un petit peu de diversité, changer d'activité. Très bien, il n'y a pas de mal à ça. Simplement, si à un moment donné, dans le processus créateur, quelqu'un me dit, parce qu'au départ, j'ai dit rouge et noir. Quelqu'un me dit, oh, j'ai envie de faire du vert, est-ce que je peux faire du vert? Bien sûr, tu peux si tu veux, mais je vais dire, je te conseille de rester dans le rouge et noir. Pourquoi? Parce que quand on veut creuser jusqu'à la source, parfois, à un moment donné, ça devient plus dur. Et c'est désagréable. Et c'est désagréable. Mmh. Et si je sens qu'à ce moment-là, il peut être utile de se confronter à cette densité-là, à un moment donné, pour aller plus loin, plus vers la source, à ce moment-là, je vais conseiller

par tout un tas d'autres systèmes que j'appelle des systèmes de la sexualité inversée, qui sont induits par des attachements identitaires, tout un tas de choses. Et donc, au niveau de la qualité, ça va être très dommageable. Oui, on va y revenir à la sexualité inversée. Alors, en atelier, en stage, tu utilises plusieurs vecteurs artistiques. On a parlé de la peinture, on a parlé de la musique, on a parlé de la danse. Il y a aussi les mots que tu nous fais prononcer parfois, qui sortent de quelque part, parfois des néologismes que tu nous demandes de prononcer, qui semblent avoir une résonance particulière. Alors, de la même façon que pour les couleurs, mon approche est énergétique, pour les mots, c'est pareil. C'est-à-dire que l'impact des mots n'est pas simplement dans le sens du langage grammatical tel que nous l'avons appris pour formuler et exprimer notre pensée, et que si on utilise des mots pour leur sonorité, ou si on fait des néologismes en créant des mots composés, ce qui par exemple dans la langue allemande est très présent, par exemple la langue allemande est structurée, il y a des mots où on comprend le sens, la façon dont il est composé. Et de ce fait, du coup, je crée des mots pour parler non plus au système mental, mais pour que ce qui doit être saisi soit saisi plus vite que notre réflexion et notre conditionnement mental. Et ça, c'est très efficace. À l'extrême, je n'ai pas encore pu avoir un groupe suffisamment avancé dans ce type de travail pour l'expérimenter, mais à l'extrême, je pourrais utiliser un langage sous une forme qui n'aurait plus aucun sens grammatical, mais qui aurait un impact infiniment plus fort que ma parole explicative, en fait. J'attends vivement ce moment. Ouais. Bon, attendant, on a encore besoin de faire des vidéos pour comprendre. Autant que j'attends ce moment, autant j'attends aussi, peut-être c'est une vaste illusion, une attente illusoire, mais j'attends aussi le moment où les gens, je pourrais faire passer par l'énergie sans aucune verbalisation, c'est-à-dire juste par la présence silencieuse. On va utiliser justement la transition des mots pour parler des livres que tu as écrits. Donc tu as écrit deux livres ces dernières années. Triptyque, du coup, que je montre au passage, voilà. Et Petite étoile. Et ce qui est intéressant, notamment avec ces deux livres, c'est que tu utilises justement, tu développes tout un vocabulaire pour exprimer, si je m'abuse, hein, la justesse de ressenti, de différence de ressenti parfois entre deux impressions. Typiquement, la jouissance que tu opposes au fait d'être en joie. Ou d'être joyeux. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus ? Oui, la joie est c'est le fondement même de notre incarnation. Et je suis particulièrement attentive dans mon travail et dans nos groupes de travail à ce que la joie circule suffisamment. Donc c'est une tonalité vibratoire. Il y a souvent un amalgame dans la pensée entre être en joie et se sentir joyeux. Être joyeux ou se sentir joyeux est un état émotionnel. Je dis souvent que on peut être totalement en joie et profondément triste. D'accord. Eh ben, écoute, je vais en profiter pour lire un autre extrait de Triptyque sur la fusion, cette fois, que je trouvais particulièrement intéressant sur ce sujet-là. Seul est la clé dans une humanité qui s'est perdue par multiplication de couples erronés. Couple au travail, couple amical, couple marital, couple parental, couple avec les enfants, couple avec les animaux familiers, que tu écris famille liée. Des fêtes de couple où l'on fait l'amour à l'envers pour se dire ensuite que c'était bon. Faire couple ainsi dans la plus totale inconscience est délétère, car ces couples sont des infractions au code de la vie. Ce code n'est ni moral ni génétique. Il dit « Regardez les conséquences, si vous ne réservez pas vos contradictions avant d'investir la vie de l'autre, vous devez accepter d'être indépendant en ne comptant sur aucun autre pour être heureux, seul, en soi. Sinon, voilà ce qui se produit, on devient un faire-valoir au service du bonheur d'un autre et l'on se doit d'être heureux dans le sens qui le satisfait. L'attachement résulte de l'incapacité à se donner l'amour dont on a le plus besoin, en soi. » Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur la fusion ? Ou est-ce que tout est dit ? Je vais essayer d'en dire plus, je ne sais pas, différemment peut-être. J'insiste beaucoup dans le travail de groupe sur la différence entre être avec et être ensemble. C'est une histoire de fusion. C'est-à-dire que dans un couple, par exemple là nous sommes un couple de travail, d'expression, d'enregistrement, d'action, un couple d'action, lorsqu'on commence à être un groupe, ça commence par être deux, donc par le couple, souvent on attend de l'autre de compenser un manque, ce qui se fait implicitement dans tous les systèmes de couple, qu'ils soient de travail, professionnel ou qu'ils soient au niveau de la famille. Et ceci donc repose sur une forme de fusion, c'est-à-dire si on représente un individu comme ceci et un autre individu comme ceci, ce qui va créer l'attachement en fait, c'est que cette partie-là de l'autre qui compense un vide, voilà, va me devenir complètement nécessaire. Nécessaire et indispensable. Et ceci est totalement dommageable. Être ensemble, ça n'est pas ça. Être ensemble, c'est être un individu autonome avec ses potentiels, ses difficultés aussi, hein, l'un n'empêche pas, un autre individu. Voilà. Et pouvoir fonctionner ensemble, c'est pouvoir fonctionner comme ça. Non plus en relation, mais pas en interdépendance. La fusion mène à la confusion. Qu'est-ce qui est de moi? Qu'est-ce qui est de l'autre? À la dépendance, à l'interdépendance. Et l'interdépendance est fort nuisible au déploiement de toute action, qu'elle soit familiale, qu'elle soit sociale, qu'elle soit professionnelle, artistique même. Donc ça, c'est fondamental. Un autre thème aussi que tu développes dans Triptyque, c'est celui de la sexualité inversée, ce que tu appelles la sexualité inversée. Alors, la sexualité inversée est un thème difficile d'aborder en deux minutes. Je vais faire mon possible. La sexualité inversée, alors déjà, qu'est-ce que j'entends par sexualité? Peut-être certains vont être déçus, mais pour moi, la sexualité, c'est être pénétré par la vie. J'emploie volontairement le terme pénétré, qui a une connotation sexuelle. Donc, être pénétré par la vie, c'est asexué, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme. Être pénétré par la vie, c'est la sexualité à l'état pur. Que je sois pénétré par la vie, seul, dans la nature, dans une action, dans une expression artistique, dans une relation, amoureuse, dans une relation sexuelle, voilà. Être pénétré par la vie. La sexualité inversée, au sens plus réduit, de la sexualité, c'est non plus être mu par son envie profonde, celle qui met mon être en vie, mais par un désir ou par des désirs. À partir du moment où je vais chercher la satisfaction de mes désirs, si je ne fais pas la différence entre mes désirs et mes envies, celles qui mettent mon être en vie, il va y avoir une grande confusion, sachant que la satisfaction des désirs mène à la frustration, ce que la satisfaction des envies ne mène pas à la frustration. Donc, tout ce qui est du registre de la sexualité inversée est mu par la satisfaction des désirs et la frustration qui en découle. Qu'il s'agisse du domaine sexuel au sens très réduit du terme, c'est-à-dire un rapport dans un couple, un rapport sexuel, mais c'est aussi une histoire de consommation, c'est aussi une histoire d'alimentation, c'est aussi une histoire de relation, voilà. D'accord, donc dans le désir, tu vas mettre par exemple les plaisirs addictifs Absolument, tous. Dans lesquels on pourrait basculer. Donc comment je mange, comment j'achète, comment, qu'est-ce que j'achète, l'énergie qui la sous-tend. Il y a d'autres thèmes que tu développes avec ton propre vocabulaire, comme par exemple la différence entre la séparation et la rupture. Oui, alors sur ce thème-là, je dis souvent que beaucoup de gens acceptent la séparation, peu acceptent la rupture. Pourquoi c'est important ? Parce que la rupture, dans un processus de transformation, est un passage essentiel et nécessaire à toute naissance. Nous vivons dans notre processus de vie un certain nombre de naissances qui, lorsque notre chemin de vie est majoritairement mu par notre conscience, des naissances évolutives, Et la vie nous le montre, la naissance commence par une rupture, toujours. Elle est indissociable. Toute naissance commence par une rupture avec le corps maternel, celui dans le, avec lequel j'ai été en relation pendant un temps, ce qui m'a nourri pendant un temps. Et la première des ruptures à la naissance, notre naissance physique, notre naissance d'incarnation, c'est la délivrance, c'est le moment où le placenta, les gens pensent toujours au, quand on coupe le cordon, mais en définitive, biologiquement, c'est au moment où le placenta se décroche. Le placenta est un organe qui est constitué à partir de tissus issus de l'embryon et issus du corps maternel. Et à la naissance, donc, si la naissance était naturelle, il n'y aurait pas de coupure du cordon avant la délivrance. La délivrance se fait au moment où le placenta se décroche, hein, et la rupture avec le corps maternel se fait à ce moment-là et non pas au moment où on coupe le cordon. La rupture est indissociable à toute naissance. Dans tout chemin de vie cohérent, il y a des moments de rupture. Les moments de rupture sont douloureux. Ce sont des moments de crise et des moments de crise positive qui sont nécessaires. Il y a aussi le thème de la colère sur lequel tu nous fais travailler assez souvent. Déjà, pourquoi et quelle distinction tu fais avec la rage et la furie, je crois? Alors, effectivement, en termes de qualité énergétique, j'ai été amenée à mettre le doigt sur la distinction entre la colère, la rage et le fait d'être furieux. La furie, c'est la colère de l'ego. On est furieux quand notre ego n'est pas content, et notamment lorsqu'il est en frustration. Ça, c'est une tonalité de la colère. Qu'est-ce que la colère? La colère, si on sort du jugement, la colère est une énergie de vie. Et qu'est-ce qui fait la colère? C'est lorsque notre énergie créatrice, notre énergie de vie créatrice est empêchée. Lorsque notre énergie de vie créatrice est empêchée, ce qui est une frustration de l'être, on pourrait dire, à ce moment-là, ceci génère une colère. Donc la colère est sous-tendue par une énergie de vie extrêmement forte et extrêmement constructive, puisque c'est notre énergie créatrice. De ce fait, travailler sur la colère revient à libérer notre énergie de vie. C'est absolument essentiel. Lorsque l'expression de la colère n'a pas pu se faire, pour plusieurs raisons, censure personnelle, censure sociale, cette énergie est refoulée. D'accord ? Je refoule mes colères. Que devient cette énergie qui est constructive ? Donc l'énergie de la colère est une énergie constructive, elle est cohérente. Cette énergie s'inverse en polarité et elle devient la rage, ce que j'ai appelé la rage. Donc, et cette rage, parce que sa polarité est inversée, devient destructive, involutive et dommageable. Dommageable pour la santé individuelle, dommageable pour la santé collective, et ça devient une affaire d'écologie. Travailler sur ces colères, c'est une affaire d'écologie. Pourquoi ? Parce que nous produisons, nous sommes des transformateurs d'énergie, et par notre système mental et émotionnel, nous transformons l'énergie de vie. Lorsqu'un collectif est en colère, ça fait comme l'évaporation crée des nuages. Ça fait des nuages de colère. C'est ce que j'appelle une énergie collective. Une énergie collective, voilà, qui est de la nature de la rage, c'est-à-dire une énergie de colère qui ne s'est pas libérée. Cette rage, elle grandit, elle fait un nuage, et à un moment donné, il se passe un phénomène météorologique, énergétique, qu'il va falloir, pour la santé individuelle et collective, que cette rage s'évacue. Et à ce moment-là, comment elle s'évacue? Lorsqu'il s'agit de la dynamique collective, elle s'évacue par un paratonnerre, c'est-à-dire un individu qui va être le paratonnerre de toute cette énergie collective dont nous sommes responsables et dont nous sommes créateurs, et il va se passer un drame. Donc ça donne des drames, comme il s'est passé à Toulouse, un gamin qui va avoir cette sensibilité, qui va faire paratonnerre, qui va prendre une mitraillette et qui va zigouiller des enfants dans la rue, ou qui va faire... Voilà. Et ça, c'est notre actualité, en fait. Il est important maintenant qu'on fasse le lien entre la conscience, l'énergie et ce qui nous arrive, en fait. Ce qui nous arrive est le fruit de ce que nous produisons et dont nous sommes tout un chacun responsable. il est très facile de considérer que cet acte barbare a été commis par un comment dire ? Un détraqué. Oui, voilà, par quelqu'un. Mais nous sommes autant responsables, en fait. Oui. Autant responsables. Ça, c'est très important. Donc, travailler sur la colère, la rage et débloquer cette énergie fait partie du processus lorsque j'accompagne individuellement les gens ou en travail de groupe. C'est absolument nécessaire. Et lorsque la colère est dégagée, lorsque les rages sont épurées, à ce moment-là, l'émergence peut se faire en force cohérente de vie. Et il n'y a que comme ça qu'on peut retrouver son énergie sexuelle créatrice. Sinon, elle est bridée, bridée, bridée, bridée, bridée, et elle devient involuée. Et donc, tous ces thèmes et ce vocabulaire que tu as développé là, on les retrouve dans tes deux livres, Triptyque et Petite Étoile. Qu'est-ce qui les distingue, en fait, ces deux bouquins ? Ils ont particulier chacun ? Alors, la particularité de ces livres, c'est que ces livres ont été écrits pendant mon processus de travail intérieur, et que ce n'est pas simplement une littérature qui est le fruit de mon fonctionnement mental en écriture. Ces livres sont chacun un processus, et ils sont sous-tendus par l'énergie du processus que j'ai vécu. Donc ça, c'est une de leurs particularités. Donc toute personne qui investit dans cette lecture, quelque part, vit un processus, voilà, à la mesure de ce qu'il est prêt à vivre, de ce qu'il est prêt à contacter, bien sûr. Et ce processus, donc, est celui que j'ai vécu. Pour cette raison, j'ose dire que ces livres sont initiatiques, puisque le processus que j'ai vécu était un processus de décloisonnement en ouverture de conscience. Toute personne est donc quelque part dans ce vecteur-là. Et en ce sens, je les considère comme initiatiques, même si on peut considérer que le terme, peut-être, est un petit peu pompeux, parce que chacun de ces livres amène à un décloisonnement. En particulier le premier, donc Petite Étoile, qui est un écrit plus court. On peut le considérer comme un roman initiatique, bien qu'il soit très court. Et dans ce processus, la particularité, c'est que j'utilise un langage avec beaucoup de liberté. Je considère que ce langage fonctionne sur 12 plans différents, dont la compréhension mentale est un des plans. Mais il y a aussi la forme de la résonance sonore, et il y a la résonance symbolique, et puis il y a tout un tas d'autres plans. Ce qui fait que la lecture peut être à la fois déroutante parfois, passionnante peut-être. C'est un voyage intérieur à part entière, autrement que par le système explicatif qui expliquerait la spiritualité par l'extérieur. J'ai pris donc beaucoup de liberté d'écriture. En même temps, ce livre est très structuré, il a sa structure à part entière. Cette structure n'est pas une structure uniquement mentalement identifiable. Le deuxième livre, Triptyque, est plutôt un essai littéraire, c'est-à-dire qu'il comprend à la fois des passages qui ne font pas en priorité appel à la compréhension mentale, mais ce ne sont que des passages, et il y a dans cet écrit un certain nombre de passage explicatif, didactif, notamment à certains thèmes que tu as évoqués, comme la rage, la colère, la conséquence, la méditation, le processus créateur. Voilà. Donc, dans Triptyque, je considère que c'est un livre qui fait suite à Petite Étoile, même s'ils peuvent être tous les deux lus séparément. Et ils sont une unité à part entière chacun, mais certaines personnes curieuses de certaines explications trouveront des systèmes explicatifs dans Triptyque. On arrive à la conclusion, la question la plus évidente qui nous reste, c'est pourquoi tu fais tout ça, pourquoi tu fais ce métier ? Parce qu'il me met en joie. Parce que je ne fais jamais deux fois la même chose. Qu'il est fondamentalement créateur. Parce que il est intrinsèquement lié à mon chemin de vie. Et que c'est un travail, c'est la recherche de toute une vie, et également qu'il me permet de le communiquer et d'être en relation d'être avec les gens que je rencontre. Est-ce un métier ? C'était le mot de la fin, du coup. D'accord. Merci Caroline. Merci.